Bonsoir et bienvenue à une autre émission de Web Musique. Vous êtes en compagnie de Simon Roy. Encore une fois, j'ai plein de bonne musique pour vous. Musique plutôt mollo. J'ai des bouts vraiment extrêmement brutales. On va voir si vous êtes capable de, de rester à l'écoute. Donc, c'est ça, c'est de la musique qui est sous licence Creative Commons. Donc, ça veut dire que vous pouvez télécharger les pièces que vous entendez à l'émission. Vous pouvez les télécharger légalement, puis c'est même encouragé de partager avec vos amis, votre famille, si vous aimez les pièces. Donc, c'est ça, il n'y a vraiment aucun problème, vous pouvez les partager. Pour ça, ben c'est assez simple, je vous ai fait une playlist sur le site de l'émission qui est au www.webmusique.org. Donc, vous allez là, puis vous retrouvez tous les liens pour télécharger les pièces. J'ai aussi plein de bonnes ressources de musique gratuite et de trucs qui ont rapport au net audio. Donc, allez donc faire un petit tour. Vous avez plein de trucs intéressants. Cette semaine, on va débuter avec un artiste du nom de Qualoud, sa pièce Zero Sum. Vous allez voir, c'est vraiment bon. Je vous inviterai à mettre le son le plus fort que vous pouvez. Ça commence très tranquillement, mais après ça, ça dégénère complètement. Donc ça, c'est sur Audiocast Productions. Puis ensuite de ça, ça va être Noros, la pièce Grib. C'est sur Mix Galaxy Records, un netlabel qui vient de la Russie. Donc, ben, on débute tout de suite avec Qualoud. Thank you. C'était Noros, la pièce Grib, c'était sur le netlabel Mixed Galaxy Records. Puis avant ça, on avait débuté l'émission avec Qualo, d'un artiste qui nous vient de l'Italie. On a entendu sa pièce Zero Sum, ça a été publié sur Audiocast Productions. Pour poursuivre Web Musique, je vais vous faire entendre une pièce d'un artiste qui vient de la Lituanie. L'artiste s'appelle Broken Cord, sa pièce s'appelle Light. C'est tiré d'une compilation qui est assez intéressante. C'est un netlabel qui s'appelle Renegades of Bump. C'est un netlabel qui s'est créé. C'est presque plus un collectif, donc qui rassemble des artistes qui font du hip-hop à tendance glitch. Donc, je vous invite à télécharger la compilation. Est vraiment intéressante. Il y a des trucs qu'on n'est pas habitué d'entendre. Donc, je vous invite à la télécharger. Ça vaut vraiment la peine si vous aimez le genre. Donc, moi, j'ai découvert ça sur Bandcamp. Donc, c'est ça. On va entendre la pièce Broken Cord. Excusez-moi, la pièce Light par Broken Cord. Ensuite de ça, sur Up It Up Records, je vais vous faire entendre Ergo Fizmiz avec sa pièce Voodoo People. Ergo Fizmiz, un artiste qui est vraiment très impliqué dans le monde du net audio. Donc, c'est toujours très intéressant ce qu'il a à proposer. Donc, c'est ça, je vais vous faire passer sa pièce Voodoo People. Ça, c'est tiré de son album Music for the Jilted Generation, un album vraiment intéressant. D'habitude, Ergo Fizmiz joue plus avec le cut and paste, mais cette fois-ci, c'est avec son band, donc c'est vraiment intéressant. Donc, pour tout de suite, Broken Cord, la pièce Light. Thank you. C'était la pièce Voodoo People par Ergo Fizmiz. C'était sur le netlabel Up It Up Records. Donc, Ergo Fizmiz, toujours un artiste vraiment intéressant. Et oui, vous êtes toujours à l'antenne de CKRL. Vous écoutez l'émission Web Musique. Pour le moment, vous avez eu de la petite musique tranquille, mais ça va vite dégénérer. Je vous présente un artiste du Royaume-Uni du nom de Core Contacts. Je vous fais passer sa pièce Living the Universe. C'est sur le netlabel Sociopath Recordings, donc ils méritent très bien leur nom. Ils sont spécialisés dans la musique quand même assez brutale, musique drum and bass, donc des trucs vraiment qui arrachent pas mal. Donc je vous invite à monter le volume puis à en profiter. Donc on écoute tout de suite la pièce Living the Universe par Core Contacts. Thank you. Le meilleur de la chanson francophone des années 70 à 80. C'est Jean-Philippe Deschênes qui vous convie à l'émission Ma boîte à cassettes, les mardis, 14h30. De retour à Web Musique, donc la pièce extrêmement brutale et à la fois très douce que vous venez tout juste d'entendre avant la pause s'appelle Living the Universe et par Core Contacts, un artiste qui vient du Royaume-Uni. C'était sur Sociopath Recordings. On va poursuivre encore avec quelques trucs assez brutaux. Le prochain, c'est par Alice Feck, un artiste de Montréal. Un artiste extrêmement complet qui donne dans le vidéo, qui crée des jeux vidéo aussi, musique. Donc, un artiste, ça fait que quelques années que je suis, qui fait des trucs vraiment intéressants. Je vous fais entendre sa pièce Disco, Me Peter, with Johnny Hollow. Donc, vous allez voir, c'est assez spécial. Puis ensuite de ça, encore sur Mix Galaxy Records, je vous fais entendre Cubic, un artiste russe. Je vous fais entendre sa pièce Todd. Donc, pour tout de suite, Alice Feck. Thank you. Un petit peu de musique tranquille. Donc, c'était Cubic avec sa pièce Thud. C'est Cubic qui vient de la Russie. C'était sur Mix Galaxy Records. Puis avant ça, c'était de Montréal, Alice Feck avec sa pièce Disco Me Peter with Johnny Hollow. Donc, Alice Feck, un artiste à suivre. On va poursuivre l'émission Web Music avec un artiste qui vient de la Suède avec le très joli nom de Toilet. C'est sur Cockrock Disco. Vous allez voir The Toilet, un artiste franchement vraiment traumatisant, qui est assez épeurant en show, qui aime bien avoir un genre un tablier de boucher, donc un personnage vraiment traumatisant. Je vous fais entendre sa pièce Stink for Yourself, c'est tiré de son album Bullshit Makes the Flowers Grow. Puis ensuite de ça, de la France, Tiaz Itch, je vous fais entendre sa pièce qui est un cover de Vernon Lenoir. Sa pièce s'appelle Fox and Geese. Ça, c'est beaucoup plus mollo, vous allez voir. Ça va vous reposer les oreilles. Donc, ça, c'est sur Prout Records. Donc, pour tout de suite, The Toilet. Attention. We'll be right back. C'était le très tordu français du nom de Thias Itch. C'était sur Prout Records. Donc, c'est la pièce, c'est un cover de Vernon Lenoir. La pièce s'appelle Fox and Geese. Thias Itch, un artiste que j'adore. J'adore son sens de l'humour. Il y a toujours toutes sortes d'influences complètement pétées. C'était vraiment un artiste à suivre. Avant ça, le très brutal de Toilet de la Suède avec sa pièce Sting for Yourself. C'était sur Cockrock Disco. Maintenant, on va passer à de la musique électronique. Un artiste qui vient de l'Ukraine du nom de Enko. Je vous fais entendre ses pièces Dosh. Ça a été lancé sur le netlabel chinois Bypass Netlabel. À ma connaissance, c'est le seul netlabel chinois. Donc, ils ont quand même pas mal de matériel. Ça fait un petit bout de temps qu'il existe. Donc, je vous invite à aller faire un tour de leur côté. Puis, c'est ça, on va écouter ça tout de suite. Puis, je vous reviens tout de suite après. Pour la suite de Web Musique. We'll be right back. de l'Ukraine. C'était Enko avec sa pièce Dosh. C'était sur le netlabel chinois Bypass Netlabel. Ben, ça va déjà être tout pour Web Music. J'ai une dernière pièce pour vous avant de terminer. Avant ça, je vous rappelle que vous pouvez télécharger les pièces que vous entendez à l'émission. Rendez-vous au www.webmusic.org. Vous allez avoir les liens vers les artistes, les netlabels. Donc, il y a tout ce qu'il vous faut pour télécharger les pièces que vous entendez à l'émission. On va se laisser avec une pièce de Essay. C'est un gars qui vient de la Lituanie. Je vais entendre sa pièce Drops. Ça, c'est sur Cubic Sound. C'est un netlabel qui vient du nord-ouest des États-Unis. Qui sont toujours des trucs assez intéressants, plutôt mollo. Donc, on va terminer l'émission en douceur. Donc, c'est ça avec la pièce de Essay qui s'appelle Drops. Passez une belle soirée sur les ondes de CKRL. We'll be right back.